sais plus où tu m'as rangé, où tu m'as mis, où tu me citais. Le lit où j'étais censé rêvasser, je n'y suis plus. De la cave au grenier, j'ai tout retourné. Inspecter les hectares de vie intérieure. Mon panda, la commode en ébène. J'avais un pense-bête. J'avais un pense-bête. Mais la jalousie maladive a filtré. J'ai remonté les persiennes, remonté la filière. J'avais disparu. Je sais plus où tu m'as rangé, où tu m'as mis, où tu me situes. Je sais plus où tu m'as rangé, où tu m'as mis, où tu me situes. M'aurais-tu cédé contre un CD? M'aurais-tu prêté d'obscurs dessins? M'aurais-tu concassé et puis vendu à un prix exorbitant? De galerie en galerie, je me suis guetté. J'ai poireauté pour rien. Et le monde s'en fiche que le jour décline. J'avais un pense-bête. Une rose de Picardie. J'avais un pense-bête. Je sais plus où tu m'as rangé, où tu m'as mis, où tu me situes. Je sais plus où tu m'as rangé, où tu m'as mis, où tu me situes.